بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ صالح، شيخ صالح أو شيخ محمد بن صالح العثيمين، في رسالته النافعة قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، et parmi les choses en lesquelles nous avons la croyance, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède la royauté suprême, c'est-à-dire la royauté des cieux et de la terre. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ. Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut et il accorde à qui il veut des filles et il accorde à qui il veut des garçons. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Ou il peut accorder à qui il veut des filles et des garçons, et il peut rendre qui il veut stérile. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient et le capable de toutes choses. قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Et nous avons aussi la conviction et la ferme croyance qu'il n'y a aucun exemple ou aucune comparaison à faire entre lui et quiconque parmi sa création. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Lahu maqalid as-samawati wal-ard. Maqalid ma ma'na? Lahu maqalid as-samawati wal-ard. Ashab al-Madina. أحسنت لله الظرف مفاتح السماوات يعني كنوز السماوات والأرض. Donc Allah possède les clés des trésors de ce bas monde, des cieux et de la terre. Et il fait descendre son risque, sa subsistance à qui il veut, et il la maintient envers qui il veut. Innahu bi kulli shay'in 'alim. Certes, il est sur toute chose bien connaisseur. Naam. Donc toutes ces choses évoquées dans ces versets, on se doit d'y croire avec une ferme conviction. Qala wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Et nous avons aussi la ferme croyance qu'il n'y a pas une bête qui marche à la surface de la terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah Azza wa Jal. Et certes, Allah a la connaissance de son gîte, son endroit où il réside, où elle réside, cette bête, et son endroit de retour, l'endroit où Al-Mughra. Kullun fi kitabin mubin. Tout cela est écrit dans un livre explicite. Quel est ce livre, Yahya? Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz. La tablette bien gardée. نعم. ثم قال ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et nous avons la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala possède les clés de l'invisible. Possède les clés de l'invisible. Et que la science de l'invisible, personne ne peut la connaître ou l'atteindre en dehors de lui. Il sait précisément ce qui se trouve à la surface de la terre, tout comme ce qui se trouve à l'intérieur de la mer. À savoir, Yéhouan, que l'intérieur de la mer, hatta les scientifiques de nos jours, ils disent qu'ils ne connaissent de la mer ou des habitants de la mer que 10% de ce qui s'y trouve. C'est un pourcentage minime. Naam. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se trouve fil bahr et tout ce qui se trouve à la surface de la terre, il en a une connaissance parfaite. Naam. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ait la connaissance. وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًا. هذا عظيم جدا. والإنسان لما يمر بمثل هذه الآية عليه أن يتأمل في علم الله عز وجل. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بمثل هذه الأشياء، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحالك يقينا. تيقن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويعرف حالك. فإذا كنت في ضيق أو شدة فلا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تلاقيه من الشدائد، وهو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك، وسيفرج عنك عن قريب. فمثل هذه الآية تسبب للمرء خوفا من جهة أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يفعل، ورجاء من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعفه ويعلم حاله وهمومه وأحزانه، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يفرج عنه عن قريب. Donc ce genre de versets sont à lire et à méditer. C'est-à-dire lorsque tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Ça doit nous amener à nous dire que si il en est ainsi pour une feuille, alors toi qui fais partie des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorées, les enfants de Adam, sache que ta situation est bien connue de ton Seigneur. Ta situation est bien connue de ton Seigneur. Si tu te trouves dans une gêne ou dans des soucis, ou dans une tristesse, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien ta situation. Et espère en la miséricorde d'Allah azza wa jal. Espère en la miséricorde d'Allah azza wa jal, car Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers son serviteur que le serviteur est miséricordieux envers lui-même. Il est plus miséricordieux envers le serviteur que le serviteur est miséricordieux que la mère de celui-ci. Et comme vous savez, la miséricorde de la mère est énorme pour son fils. Non. Donc ce genre de verset, quand tu le médites, ça doit nous procurer tantôt de la peur, parce que lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et sait tout, il connaît bien ta situation, il sait les péchés que tu fais fi sirr ou fi al-alam, que ce soit en secret ou en public. Il le sait bien. Donc ça doit nous procurer quoi ? De la peur qu'il fasse descendre sur nous le châtiment. Et en même temps, ça doit nous procurer de l'espérance. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ton hal, il ne va pas te laisser comme ça. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera pas les croyants dans leur situation, dans une situation difficile, jusqu'à ce qu'ils différencient entre le bon du mauvais. الشدائد والابتلاءات ما تأتي عن عبث ولا تأتي لتهلك المؤمن وتذهب ما معه من الإيمان لا إنما ينزل الله عز وجل الابتلاءات تمحيصا للمؤمن أي تطهيرا له. Il faut savoir que les épreuves, peu importe leur grandeur, les épreuves qui peuvent toucher l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala ne les fait pas descendre en vain sur la personne, surtout sur le croyant. Il ne fait pas descendre ces épreuves en vain sur lui, ni pour que cette épreuve le détruise ou dissipe ce qu'il possède comme foi et comme croyance. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve le croyant, c'est uniquement pour le purifier. Uniquement pour le purifier, soit de certains péchés qu'il a commis, ou soit pour l'élever en degré. Et regardez l'uslub de Cheikh Al-Uthaymeen. C'est un uslub, même dans les livres, dans les kutub de l'aqidah, tu ne vas peut-être pas trouver un uslub aussi qawi. Nous bi anna Allah kada wa kada yasuk al-aya. Wa nu'min bi anna Allah wa yasuk al-aya. Wa nu'min أسلوب قوي جدا قوي جدا et encore là nous on le coupe parce qu'on traduit mais ceux qui comprennent la langue arabe si tu leur lis le texte comme il est tu prends du plaisir à le lire parce que la parole de Cheikh Al-Uthaymeen summa mubasharatan al-aya le verset qui appuie sa parole طيب ثم قال. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ait la connaissance. Et il n'y a pas un grain qui se trouve dans les profondeurs de la terre. Ni une wala ratabin wala yabisin. Comment je pourrais traduire ratab? Ratab. Il n'y a pas de fruits frais ou secs sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Illa fi kitab mubin, sans que tout cela soit inscrit dans un livre explicite. Fa kanahu yuthbit laka anna min mu'taqadina an nu'min anna Allah subhanahu wa ta'ala من أوصافه أنه عالم ومن أسمائه أنه عليم خبير أنه عليم خبير نعم ثم قال ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. Et aussi, on a la ferme conviction que c'est auprès d'Allah seul que se trouve la connaissance du jour du jugement. Quand est-ce qu'il surviendra? On a la croyance et la ferme conviction que c'est auprès d'Allah seul que se trouve cette connaissance. Qui a un autre dalil? Que personne ne connaît la venue de l'heure, même les anges ne la connaissent pas, et même le prophète ne la connaît pas. Qui a un dalil qui montre clairement que le prophète ni les anges ne connaissent le jour de l'heure? Ah, ici. Hadith Jibril. Wa ma huwa ash-shahid min al-hadith. أخبرني عن الساعة. أيوة، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الساعة. Il lui demande au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle surviendra. Et le prophète de dire et de répondre, ماذا؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui à qui on pose la question n'est pas plus connaisseur que celui qui pose la question. بمعنى, le prophète, عليه الصلاة والسلام, il t'informe ou il nous informe qu'il n'est pas plus connaisseur que Jibril sur cette question-là. بمعنى, هذا العلم عند الله لا عند غيره. نعم. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. Tout ça, c'est les spécificités d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, c'est lui qui sait où il va faire descendre la pluie. C'est lui qui sait ce qui se trouve dans les matrices. C'est lui qui sait où chaque âme va finir ses jours dans ce bas monde. Et c'est lui qui sait ce que chaque âme va obtenir le lendemain. Naam. Tout ça, ça fait partie des spécificités d'Allah Azzawajal. Taïd. Maintenant, là, je viens de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait ce qui se trouve dans les matrices, seul. Là, on peut me dire, ouais, mais maintenant, avec les technologies actuelles, on peut faire une échographie et on sait ce qui se trouve dans la matrice de la femme très tôt. Comment on va répondre à ça? Ah, Mahfou. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui sait ce qui se trouve dans les matrices. La matrice, c'est-à-dire dans le ventre de la femme, lorsqu'elle est enceinte. Maintenant, avec les nouvelles technologies, les échographies, on peut savoir qu'est-ce qui se trouve dans le ventre de la femme. Donc, Allah, il n'est plus tout seul à savoir ce qui se trouve dans les matrices. Hein? C'est ilm. Mais encore. Non, avant que ça soit un bout de chair, Allah il sait déjà. Eux ils savent que après, quand les états. Eux, jusque là, ils n'auront jamais ils n'atteindront jamais, ils n'iront jamais plus loin. Ils pourront jamais aller plus loin que le stade qu'ils ont atteint, c'est-à-dire ils peuvent savoir si c'est un garçon ou une fille à partir de 4 ou 5 mois. Et encore, c'est pas une science sûre. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que l'embryon prenne forme, il sait déjà qu'est-ce que ça va être. Il est à l'état d'une goutte, d'une adhérence, il sait déjà qu'est-ce que ça va être. Il sait déjà si il va aller jusqu'au terme des 9 mois ou non. Ça va ? C'est ça rentre dans ça. Naam. Wa kadhalik il y a un autre verset aussi dans Surat Taha aussi. Donc ça, c'est des choses auxquelles on se doit d'avoir la ferme conviction qu'Allah Azzawajal a connaissance de toutes choses. Et que sa science touche chaque endroit. Il n'y a pas un endroit dans l'univers qui n'est pas touché par la science d'Allah Azzawajal. فمثل هذا جدير بنا أن نتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على الأبدان والقلوب كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي الحديث لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان الإحسان. والعبد لا يبلغ مثل هذه الدرجات إلا إذا علم مثل هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى عالم الشهادة، وأن الله عالم كل شيء، عالم بكل شيء، وهكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.